Aucune pluie, aucun orage, aucune pompe à incendie n'éteindront ce feu qui ravage et consume ma vie. Je brûle, je flambe, je grille, je crame, dès que je vous vois, mes chéris. Je suis tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu, tout femme. Si vous me donnez l'eau de votre bouche, vous mettez de l'huile sur le feu. Si votre regard glacé me douche, cette glace me brûle encore mieux. À peine une brune aux yeux de braise vient-elle de m'incinérer, que je replonge dans la fournaise d'une blonde cendrée. Jusqu'au dernier tison de l'âme, toute ma vie je souffrirai d'être tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, comme la neige. Oh toi tu es pure, fraîche comme une source. Pourtant, éteins-moi vite sous tes couvertures. Je suis sur des charbons ardents. Je pourrais tomber dans un cratère, les flammes me laisseraient froid. Mais que passe la moindre bergère et je m'allume déjà. Soyez mes Jeanne d'Arc, mesdames, montez sur mon bûcher à moi qui suis tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout feu, tout femme, tout.